Les deux abeilles qui discutent. Alors. Qui discutent. Ah non, mais et... c'est à eux qu'il faut dire. Oui, il y a deux abeilles qui discutent. Non, pas à moi. À eux. À nous. Mais non. Mais non, on s'en fout pas. Non, c'est eux les invités. Bah ouais, alors. Allez, Maurice. Alors, vas-y, tu leur dis. Allez. Non, non, laissez-le se concentrer deux secondes. Vas-y, Maurice. Non, non, s'il te plaît. Non, non. Non, non, il est concentré. Non, non, laissez-le se concentrer parce qu'après, on l'aura. Vas-y, Maurice, on t'écoute. Alors, j'en peux plus. Il bave. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh non. Ramenez-le à la maison de retraite, je te jure. Que disait le général de Gaulle ? La vieillesse est un naufrage. Ah, enchaîné en régie. On verra. Non, non, non, on veut la. Non. Alors, les Malaï, deux Maya l'abeille. Malaga. Aujourd'hui, on dit même plus un naufrage, un séisme. Oh là là. C'est un tsunami. Un tsunami, oui. Alors, les deux abeilles qui discutent. Oui. Chouette. Oh, chouette. J'ai quoi Internet dans ma rue. J'ai Internet dans ma rue. Refais la pub du début, sinon je pourrais pas la diffuser. Il y a deux abeilles qui discutent. Une qui dit chouette, j'ai Internet dans ma ruche. Et l'autre qui lui répond. Elle lui répond quoi ? Le rire que vous entendez, c'est Valentin. Mais elle lui répond quoi, Maurice ? Il sait pas. Il sait plus. Donne-moi. C'est là, il est à fond, là. Donne-moi. Donne-moi ton adresse email. Mais non. Mais non. Mais non. Non. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais non. Ouais. Mais c'est pas possible. Si. Mais Maurice, mais non, mais on ne pas Valentin. C'est pas possible. Ça, on va demander Valentin. C'est l'adresse email, Maurice. Voilà. Email. Voilà. Donne-moi ton adresse email. Non. C'est un chat. Ton adresse email. Ouais. Oh non, mais c'est pas vrai.